L'architecture supramentale d'une conscience occulte. Cet enregistrement a pour but de clarifier ce que veut dire une conscience supramentale et pourquoi les éléments nouveaux de cette conscience réunis sous l'étude du mensonge cosmique permettront à l'homme de s'individualiser. Certainement, il y a une absorption que l'homme doit faire de la vie qui amènera l'ego à être devant celle-ci intact. En permanence. Un ego ne peut pas se réfléchir devant la vie qui s'en vient, puisque les chocs consécutifs qui amèneront l'individu à réaliser à quel point les plans parallèles agissent sur sa conscience feront de cet être une personne complètement accomplie. L'infinité repose sur un savoir absolu, soit que le réel ne se pense pas, et que le vide créé par les nouvelles formes de vie qui voudront déstabiliser l'ego seront très grandes. Et c'est pour ça que la folie qui guettera l'ego pourra toujours naître parce que le mental sera non pas intact devant la vie, mais très facilement perturbable. Tous les éléments du vide, de l'infinité et de la folie permettent à l'homme, s'il est capable de composer avec le mensonge cosmique, d'éluder ceux-ci. Soit que le vide ne peut pas donner à l'homme la capacité de se réfléchir lorsqu'il fait l'étude d'une réalité sur la planète Terre. Si nous prenons le coronavirus, ce virus est mortel et il doit être ainsi parce que la régence planétaire qui doit asseoir une conscience totale sur cette Terre dans les années à venir doit utiliser des déséquilibres dans la matière pour permettre à l'infinité de la conscience d'évoluer sur la Terre. Certes, la folie guettera plusieurs consciences, et c'est pour cela que l'homme, l'individu, doit s'en remettre simplement à sa capacité de gérer son ego d'une manière totalement froide. Mais on n'entre pas dans une conscience occulte du jour au lendemain. La folie, c'est réfléchir à ce que l'on vit et se donner de l'importance. Alors que le réel, c'est savoir ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce que le coronavirus crée-t-il autant de déséquilibre? Il amène, le coronavirus, une forme réelle de la vie occulte sur la conscience d'une personne. Soit que l'individu est obligé de s'élever à une conscience nouvelle s'il ne veut pas être rattrapé et ou être prisonnier d'une conscience simplement spirituelle, philosophique ou religieuse. Est-ce que le confinement que nous connaissons présentement fait partie de l'intelligence des plans de la lumière? La réponse est non. Le confinement est une réaction craintive à la réalité de voir disparaître des âmes sur la Terre. Alors qu'en fait, les âmes qui se sont incarnées sur la Terre ont toujours pour seul et unique mandat d'accomplir leur réalité en lien avec une programmation. Et cette programmation étant liée à une capacité de l'ego de s'inventer, n'est pas toujours réelle dans toutes les âmes qui s'incarnent. Ainsi dit, un confinement obligatoire comme nous le vivons présentement, en 2020, n'est pas si intelligent que cela. Mais pour une conscience qui est craintive, cela est intelligent. Alors pourquoi donc cette réalité de vie présente sur la Terre n'est pas si intelligente? Parce qu'il y aura tout simplement des chocs consécutifs dans les années à venir qui feront en sorte que certaines âmes auront tout simplement à être relocalisées ou simplement le fait que la Terre a potentiellement énormément de ressources astrales à sa disposition pour empêcher l'élimination de l'orgueil dans l'homme, fait en sorte que la conscience supramentale n'avance que petits pas. Et pour les plans de la lumière, cela est problématique, car si vous pensez que sur la Terre, il y a des combats à mener, imaginez ce qui se passe sur les plans parallèles. C'est donc pour cela qu'une conscience jupitérienne à venir dans la conscience de l'homme sera nécessaire. Et qu'est-ce qu'une conscience jupitérienne? Mais cela ressemble tout simplement à l'architecture supramentale d'une conscience dite occulte, qui est capable de percer les mystères. Il y a des gens qui discréditent le fait que certaines personnes s'intéressent à la conscience supramentale d'une manière occulte. Il ne faut pas discréditer cela, car cette vibration sert à certaines personnes et va au-delà de ce qu'une personne peut penser. Certes, si le discours ne convient pas, il ne s'agit tout simplement pas de le discréditer, mais de comprendre qu'il y a des niveaux de conscience et des niveaux de fusion avec la parole qui sont d'un autre ordre. On ne connecte pas avec des éléments du mystère et du mensonge cosmique par une psychologie simpliste. C'est pour cela que d'ailleurs, que l'homme qui se réinvente sait très bien qu'on ne peut pas discréditer le discours que l'on tient présentement. La liberté intégrale de l'homme est plus grande que la mort. Ceci veut dire que le confinement permet, dans les actions présentes, au gouvernement de se sécuriser dans la voie qu'il veut suivre. Et cela sert aussi à sécuriser les consciences des égos craintifs. Peut-on reconnaître un jour que le confinement sera non nécessaire, puisqu'il ne permettra pas l'équilibre des mentales? On n'a qu'à penser au stress vécu des gens qui vivent dans des hôpitaux, à combattre ce virus et aussi à toutes ces personnes qui, un jour, auront à trépasser dans une forme de vie plus réelle que la crainte. Ainsi donc, il y a des mesures qui seront mises en place par les gouvernements qui ne suffiront pas à rééquilibrer le mental de l'homme, et c'est pour cela qu'il s'agit bel et bien d'un revirement total sur la Terre de la vie, puisque nous composons désormais avec une science occulte de la vie qui n'a jamais été descendue sur la Terre, et elle le sera descendue en raison de la proximité vibratoire de l'homme avec sa conscience. Plus nous avancerons, plus nous démasquerons le réel. Si vous reconnaissez la capacité de la liberté intégrale d'être plus grande que la mort, vous n'avez qu'à penser en images à certains films qui ont paru au cours des dernières années, notamment Braveheart, Cœur vaillant, où le héros meurt pour cette liberté. Et il y a aussi le dernier samouraï, Last Samurai, où le héros ne meurt pas, mais retrouve la paix et une certaine sérénité après avoir passé à travers ses propres démons. Et ces démons, les gens les ont tous dans une conscience qui est bousculée présentement sur Terre, puisque ce virus n'épargne personne au niveau des sociétés occidentales. Bien que l'instruction ou que le savoir que nous avons est intellectuel, celui-ci ne permettra pas à rééquilibrer les consciences plus sensibles qui sont isolées. C'est pour cela que la parole de l'homme, la conscience vibratoire, doit amener des éléments d'une architecture supramentale, d'une conscience occulte qui ne se pense pas. Et cet enregistrement a pour but d'éclairer ceci. Donc, dans les prochaines minutes, je vais faire la synthèse de qu'est-ce que veut dire l'architecture supramentale d'une conscience occulte. Il s'agit d'amener l'individu à une régence d'éducation dans son mental qui sera obligé de composer en permanence avec le mensonge cosmique. Cette transposition du mensonge sur la psyché de l'individu provient de sa vibration et de celle de connaître que tout ce qu'il pourra dire repose sur une réalité et une portée vibratoire absolue dans sa parole. Donc, l'homme, dans cette parole, peut composer avec les mystères et l'infinité de ceux-ci. Donc, pour l'homme dont le mental appartient à une conscience occulte, il est établi qu'il n'y a aucune réflexion qui peut se faire dans son mental. Proprement dit, on ne peut pas composer avec l'effort de connaître ou de savoir qu'est-ce que le coronavirus. Par vibration, il faut le savoir qu'est-ce que c'est. Et c'est un réalignement total de la psyché de l'homme en vue que l'homme se démarque davantage dans une conscience dite beaucoup plus avancée que celle qu'on peut dire psychologique, philosophique, ésotérique. La conscience supramentale est une conscience qui ne peut pas accepter la juxtaposition des énergies de l'ego qui se réfléchit. En ce sens, autrement amené ou précisé, l'interface lumière entre l'ego et l'esprit ne fait toujours qu'un. C'est un socle de permutation intégrale consistant donc pour l'homme dans sa lumière à l'habiter totalement. Et celle-ci s'habite dans la matière. Et c'est donc lorsque je questionne la présence des virus ou du coronavirus, il y a ceci d'intouchable dans la conscience de l'homme, soit que l'homme sait que l'épuration de la terre doit se faire et qu'il y a des consciences qui n'auront pas le choix de subir le choc et de ne pas avoir à travers de ce qui se passe. L'interaction donc de l'homme, lorsqu'elle est psychologique et spirituelle ou ésotérique avec une information, fera en sorte qu'il ne peut pas supporter le mental de la froideur d'une réalité et ainsi épurer systématiquement tout ce qu'il ne sait pas. Donc, la crainte est au rendez-vous dans son mental, puisque l'homme ne peut pas s'élever en conscience jupitérienne du jour au lendemain. Il peut le faire, par contre, en sachant que ce qu'il vit ne veut pas dire qu'il ne doit pas être intouchable face à ce qu'il vit. Se réalisant, il y a moins de densité de la mémoire dans son mental et de la crainte, et sa parole peut ainsi, dans des segments beaucoup plus évolutifs, tourner autour d'une construction de soi. Tout ce qui est recoupé par le mensonge provient nécessairement de l'anesthésie de l'individu à être dans un ego spirituel et orgueilleux face à ce qu'il vit. Il ne peut pas être dans un mode transparent. L'ego ne peut pas dire que le coronavirus est une réalité nécessaire. L'ego va tout simplement dire que cette réalité l'ébranle et qu'elle met en éveil son incapacité à s'instruire de la vie. Tout ego en mode transparent sait qu'une conscience occulte, c'est une liberté totale dans sa parole. C'est une vibration des éthers dans l'ego qui est intouchable. Cela rapporte ou incidemment ramène l'homme à se questionner sur la vie et à donner à sa conscience les outils qu'il se doit pour ne pas la subir, cette réalité de la matière qui sera dans les années à venir très difficile. Le but pour l'homme nouveau, c'est de composer avec ce qu'il prépare sur la terre d'une manière froide. Et ainsi dit, l'homme fera face à des événements qui, dans son passage, pourra l'ébranler. Mais si l'homme a, dans sa vibration, la capacité de ne pas craindre la mort, il verra que les âmes qui auront à évoluer dans les années à venir seront celles qui seront le plus amenées à ne pas être chevauchées par de l'astral ou de la crainte. Le but de l'homme sur la terre est de préparer son immortalité dans le passage d'une mort absolue, soit que l'homme ne craint pas la mort et que la forme éthérique de la terre par laquelle se vit la mort sera transposée d'une autre manière lorsque l'homme comprendra que tout ce qu'il vit sur la planète Terre est sujet à de la crainte, il pourra ainsi diminuer son niveau d'orgueil. En conclusion, il y a l'architecture supramentale d'une conscience psychologique dans l'homme qui commence à toucher à ce qui est supramental, et cela est très réel à sa sensibilité, soit que tout ce qui est vibratoire peut mettre en vibration l'ego dans sa volonté à se bâtir une identité froide. Incidemment, si on regarde le coronavirus au niveau d'une conscience psychologique, nous pouvons dire ceci, la Terre doit évoluer et ce qui précède l'accès à une conscience occulte, c'est une compréhension élargie de sa propre psychologie en lien avec les outils de la conscience supramentale. Donc, c'est une architecture parfaite qui ne peut pas être décortiquée d'une manière où on interpose l'ego à réfléchir la vie, mais simplement qu'il faut se savoir face à sa conscience et se déterminer dans un but absolu. Soit que l'homme ne peut pas se réfléchir lorsqu'il regarde le coronavirus. Il doit à l'intérieur et il doit dire « Ceci vient faire quoi au niveau de l'architecture des mentales sur la Terre? Est-ce qu'il y a des mentales en évolution qui peuvent saisir que la Terre est dans un virage absolu et qu'elle entre dans un nouvel âge? » Lorsqu'on peut saisir cela et qu'on peut l'accepter froidement, il y a nécessairement davantage dans sa conscience une identité froide qui se place. Et l'identité, c'est ce qui est l'absolue conscience de l'homme face à sa liberté, soit que si on n'a pas d'identité, on ne peut pas traverser les événements avec une conscience froide et savoir qu'aussi que dans l'architecture supramentale de nos consciences, on peut avoir l'impression que les segments ésotériques nous supporteront. Par exemple, vous pouvez penser que si vous allez voir un astrologue ou si vous vous faites tirer au tarot, que vous aurez des réponses très précises à partir de ce que on peut tirer comme conclusion en lien avec le coronavirus ou vous-même. Alors que pour dévoiler les mystères, il ne s'agit pas de symboles, mais il s'agit de vibrations et les segments occultes des éléments qui permettent à l'homme de démasquer les mystères, c'est simplement sa parole. Ce n'est pas un mélange de philosophie ou de spiritualité qui fera que l'homme saura ce qu'il sait. Le mensonge cosmique est occulte et la conscience supramentale de l'homme, dont l'architecture repose sur une conscience occulte, veut dire que l'homme peut percer les mystères et l'infinité de ceux-ci. Il n'y a pas de séparation parce qu'il est froid devant eux. Est-ce que l'homme individu peut être une conscience psychologique, être une conscience ésotérique et posséder aussi une conscience occulte? Oui, car au départ, il faut grimper les échelons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveau de conscience. Il n'y a pas simplement la conscience spirituelle ou la conscience intellectuelle de l'ego qui sert à l'homme pour construire sa propre réalité, mais il y a des éléments beaucoup plus grands, dont l'émergence supramentale d'une conscience dite occulte, qui amènera l'homme à transposer les mystères et à savoir ce que veut dire la vie. La conscience occulte n'est donc pas plus importante que les deux premières, mais elle émerge du fait que le degré de spiritualité dans chacune des consciences, soit spirituelle ou ésotérique ou psychologique, fait en sorte que l'homme ne peut pas percer les mystères et savoir ce qui se passe. Donc, dans une conscience froide et occulte, l'homme sait qu'il aura toujours la vibration de saisir dans le temps ce qu'il doit saisir. Et décidément, si l'homme doit avoir une conscience jupitérienne, soit qu'il ne recule devant rien, devant les mystères, et qu'il n'a pas aucune crainte face à la folie, sa réalité sera transposée dans la capacité de voir que le néant veut toujours faire basculer l'homme vers la folie de ce qu'il sait. Et ce que l'homme sait, c'est ceci, c'est qu'il y aura toujours des consciences sur la terre qui seront mises en vibration par sa parole, que celles-ci soient supramentales, ésotériques, ou psychologique. Mais pour saisir tout le degré de la réalité que l'homme est un être total en vibration, c'est ceci, c'est que l'homme n'appartient pas dans le monde de la mort à des réalités où on peut superposer à son ego des impuissances. La conscience occulte est comme dire que l'homme devient son propre soleil en permanence. Et quand il est son soleil en permanence, il se passe plusieurs choses au niveau de sa conscience occulte. C'est que celle-ci grandit et sa vibration des infinités à saisir le mensonge cosmique lui permet tout simplement de réintroduire dans sa conscience la satisfaction et le devoir absolu qu'il n'y a pas de mystère qu'on peut lui raconter. Précisément, lorsque la conscience occulte grandit dans l'homme, il y a une possibilité pour lui de savoir tout ce qui se passe. Donc, si on fait l'étude de la liberté intégrale de savoir que l'homme doit être plus grand que la mort, on recoupe l'idée principale du film Braveheart, qui était celle-ci, on ne doit jamais plier les genoux et être soi-même intact devant ce que l'on décide, parce que c'est cela qui détermine par la suite le niveau de son évolution sur un autre plan. Donc, il y a beaucoup de consciences qui craignent la vie. Et ne pas craindre la vie s'établit à ceci. C'est qu'il faut, en tant qu'ego, avoir la puissance de décider à quel niveau nous voulons créer dans sa conscience des éthers qui permettront d'être libres. Donc, si les valeurs de vie que vous donnez sont construites sur des faussetés ou des mensonges, il y a bien entendu une incapacité de l'ego à être libre. Ceci dit, l'ego n'a pas à discréditer l'homme. L'ego doit saisir que la conscience occulte est une conscience qui permet l'émergence dans le mental de l'homme à des réalités nouvelles. Le savoir absolu a un rôle précis à jouer dans l'homme. Soit que si l'homme ne sait pas ce qui vient et s'il n'est pas capable de le parler correctement, il sombrera dans la folie un jour ou l'autre. La santé mentale dans le confinement est totalement affectée par une réalité qu'on ne peut pas dire intelligente, puisque dans le confinement de l'homme, il y a ceci, l'impossibilité pour lui d'aller dans le monde et d'être libre. Certes, tout égo intelligent se créera de l'espace et trouvera une façon d'être libre. Il se trouvera ou se réinventera dans la mesure qu'il peut se réinventer selon le cercle et l'étendue du territoire dont il a accès pour se réinventer. La force de l'homme est donc celle-ci, dans une conscience occulte. L'architecture principale de ce mental est de percer les mystères. Sous une étude approfondie du mensonge cosmique, l'homme comprend donc que la régence planétaire ne peut pas s'asseoir sur une conscience psychologique ou une conscience ésotérique. Il faut à cette conscience la vibration jupitérienne ou la vibration absolue de savoir ce que l'on sait sans fléchir les genoux. Et lorsque l'homme est disposé dans sa conscience à regarder plus grand que plus petit, il y a ceci. Il est en mesure de toucher aux infinités. Et qu'est-ce qu'il y a comme infinité pour la Terre? C'est-à-dire, si nous étudions les 20 prochaines années, quels seront les chocs possibles qui frapperont la Terre? Lorsqu'on fait une étude objective, on remarque que les nations ont un karma lourd à payer entre eux et qu'ils ne s'entendent pas du tout sur les manières à agir et sur la contribution de chacun à éliminer la pauvreté sur Terre. En reconnaissant ceci, il est évident que le virus ou tout virus mortel touchera des populations ou des peuples d'une manière totalement différente que ces pays qui auront la mesure de les confronter avec une science beaucoup plus développée. Mais il y a aussi la masse psychique mondiale qui est au-dessus de la réalité des âmes, soit que l'homme n'est pas en mesure d'être libre. Pourquoi n'est-il pas en mesure d'être libre? C'est parce qu'il ne sait pas ce qui se passe au-dessus de sa tête. En ne sachant pas ce qui se passe au-dessus de sa tête, l'homme fait toujours l'erreur de voir que les réalités qui se passent sur la Terre sont simplement un fil continu d'expériences qui n'ont aucun lien entre eux, alors que tout a un lien. Le prochain choc consécutif qui réunira, entre autres, d'autres éléments de déstabilisation peut très bien être un accident nucléaire comme une attaque nucléaire non voulue de la part d'un pays qui a peut-être la pensée magique de croire qu'il s'élèvera au-dessus des grandes nations s'il exerce une autorité autre que celle de la liberté. Par exemple, si la Corée du Nord continue ses essais nucléaires et que l'Iran poursuit elle aussi, dans la même mesure, ses essais à trouver une solution nucléaire au Moyen-Orient, cela créera énormément de déséquilibre sur la Terre. Donc, les chocs consécutifs, le mental de l'homme peut les absorber l'un après l'autre s'il est conscient qu'ils doivent avoir lieu, car ceux-ci permettront l'épuration progressive des âmes sur la Terre qui se sont incarnées, mais qui ne peuvent pas aller plus loin dans les années à venir pour immortaliser dans la matière la présence de la régence planétaire. Qu'est-ce que cette régence? Cette régence est une vibration, un gouvernement invisible qui permettra, dans la conscience de l'ego, à reconnaître que tout ce qui sera dit sur la Terre aura un jour à être intelligent, sinon cela sera détruit automatiquement par des formes de vie qui mettront l'ego en échec devant ce qu'il croit ou ce qu'il pense. Peut-on avancer que dans les années à venir, l'ego sera en mesure d'outrepasser ses craintes. Cela prendra du temps. Cela prendra du temps parce que l'homme est dans une conscience mortelle, un individu qui a énormément de réflexion. Et cette réflexion est due à tout ce qu'il écoute, soit à la télévision, soit aux nouvelles. Et cela fait en sorte que son équilibre psychique n'est plus stable. Pour avoir une conscience stable, qu'est-ce que l'homme doit faire? Au premier pas, il doit savoir qu'une conscience occulte, c'est une conscience visionnaire. C'est-à-dire que vous pouvez voir dans une conscience occulte où la Terre doit aller. Et en sachant ceci, vous avez la certitude absolue dans une conscience jupitérienne ou une conscience occulte en développement que la nécessité d'épuration des plans de la lumière sur la Terre provient essentiellement de la manifestation qu'il doit y avoir dans le cosmos de la Terre une plus grande réverbération de l'homme-lumière. Parce que si celle-ci n'a pas lieu, que se repassera-t-il au niveau des morts qui sont sur les plans parallèles? Ceux-ci ne pourront pas évoluer et s'incarner, puisque la transposition du monde de la mort est une architecture supramentale qui doit être mise au pas au niveau de la conscience de l'homme à éduquer les morts. Et si ce n'est pas l'homme qui est dans une conscience absolue qui peut éduquer le membre, qui le peut-il? Puisque tout le scénario de l'astral est celui de discréditer l'homme et de l'amener à mourir sans savoir qui il est, il y a donc dans le monde de la mort des supercheries abominables qui se produisent. Ainsi donc, lorsqu'on voit le corps émotif des individus qui vivent sur la Terre en lien avec les échecs de l'ego, nous assistons inébranlablement à la réalité que l'homme ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire de l'infinité. Qu'est-ce que ça veut dire de l'infinité? C'est la composition que la Terre repose sur la vitalité que l'homme doit toujours se réinventer dans ses valeurs. S'il ne se réinvente pas dans ses valeurs, il n'y a pas d'infinité et il y a dans le mental de l'homme de l'orgueil, puisque l'orgueil est ceci au niveau du plan de la mort. La prétention de penser que l'homme est petit et que eux sont grands. Et le monde de l'astral, la création d'une âme, s'est fait à partir d'interceptions vibratoires dans le cosmos, pouvant élever celle-ci à un ordre absolu si seulement l'ego en arrivait à triompher de sa programmation. Et s'il triomphe de sa programmation, cela veut dire que l'âme doit être amenée au centre et élevée en vibration pour être placée dans la conscience de l'homme au niveau de sa couronne. Et sa couronne, c'est ce qu'on appelle l'architecture supramentale d'une conscience occulte, psychologique ou ésotérique en développement. Et lorsque l'homme en arrive à développer une conscience totalement froide, il peut après voir que l'orgueil est ce qui ralentit davantage les hommes vers une conscience occulte. On ne peut pas être occulte si on n'est pas capable de percer les mystères. Et un mystère, c'est simplement une façon voilée pour les plans de la lumière de cacher de l'information à l'homme afin que lui-même l'arrache, cette information-là. Et pourquoi doit-il l'arracher? Parce que cela fait partie de sa vibration, de son autorité, de son identité, de s'élever dans une conscience supramentale, absolue, de liberté. Si l'homme, on lui donnait tout ce qu'il a, il ne pourrait pas se transposer dans une conscience véritable, soit qu'il serait totalement conscient que la forme est simplement une forme. C'est-à-dire, si vous vivez une réalité et que vous croyez réellement que cette réalité n'est pas temporaire, qu'elle est permanente, vous êtes déjà prisonnier de cette forme. Car tout ce que l'on vit est temporaire. Ce n'est pas réel de dire qu'une réalité est permanente et absolue. Lorsque une conscience meurt, que se passe-t-il? Lorsqu'une âme quitte la Terre, elle quitte la Terre avec ce qu'elle possède comme vérité ou comme réalité. Principalement, si l'homme sait qu'il est immortel dans la mort, s'il ne pose pas les genoux par terre devant elle, il est en mesure à ce moment de dire dans son passage aux entités de lumière qui l'accompagneront qu'il sait. Et ce qu'il sait est obligatoirement lié à une conscience plus définie de ce que veut dire la vie sur la terre. Incidemment, une personne qui compose avec le rêve pourrait très bien comprendre avec les années à venir que cela est une superposition d'un plan parallèle pour créer dans le mental de l'homme des formes afin d'épurer son mémoriel. Mais lorsqu'un traumatisme se crée dans son mental, que se passe-t-il normalement? C'est que l'individu n'est pas capable, dans le rêve, d'épurer le mémoriel, et c'est ainsi que jour après jour, la pensée qu'il réfléchit en lien avec ce qu'il a vécu devient un traumatisme de plus en plus gros. Les mémoires se rajoutent et dans le sommeil, l'homme n'arrive plus à éliminer des formes parce qu'il ne peut pas se réinventer devant la forme et il lui donne une valeur absolue qui est de la croyance, de croire que celle-ci est une permanence et non une réalité temporaire. L'ego qui est témoin par le temps présent de ce qui se passe à la télévision doit être en mesure de savoir s'il est froid. Et s'il n'est pas froid, cet ego, il aura à le devenir puisque le début de ce qui se passe a déjà été prévu par les plans de la lumière. C'est que la lumière veut que l'homme développe une conscience occulte. Et voici ce que veut dire pour la lumière une conscience occulte. C'est pouvoir interpeller à tout moment les segments de la vie et les étudier dans une présence absolue permettant alors au mental de l'homme de s'élever à une vibration des éthers qui fait en sorte qu'il y aura de moins en moins dans son mental de réflexion possible pour l'amener, cet ego, à l'infinité de savoir la vie et de ne jamais avoir de crainte face au néant. Pour que l'homme puisse élever en conscience, nous savons qu'il a besoin des énergies de la volonté et de l'intelligence. Et l'intelligence absolue d'être libre, c'est également de pouvoir vibrer à des énergies qui sont plus hautes. Donc, le haut du triangle se recoupe ici et se veut être l'énergie de l'amour pour permettre à l'homme d'élever son mental à une vibration supérieure. Que se passe-t-il lorsque l'homme est en mesure de vibrer de l'amour? Cela permet à son mental de rayonner davantage sur la terre et d'être davantage transparent et quitter petit à petit le segment de l'orgueil. Qu'est-ce que le serment de l'orgueil? C'est l'incapacité de l'homme à voir qu'une conscience ésotérique ou qu'une conscience spirituelle ou psychologique n'est pas suffisant pour permettre l'inversion du mensonge cosmique sur la Terre. Le mensonge cosmique recoupe toutes les formes de vie qui ont été passées et qui ont été, dans la mesure, incapables de faire dévoiler que tout ce que l'homme vivait comme vérité, ce n'était pas des absolus, mais ce n'était que temporaire. Et c'est pour cela que être réel dans un monde comme aujourd'hui signifie que l'homme doit interpeller les mystères d'une façon continue et de savoir ce qui se passe. Donc, si l'ego ne peut pas le faire dans une transparence, bon, cet ego ne peut pas avoir donc accès à un savoir absolu qui fait partie de la sixième race racine. L'homme doit passer à la cinquième, à la sixième race racine, qui est le savoir absolu, de savoir que tout ce qui se passe sur la Terre n'est pas une tragédie, mais est une portée vibratoire pour lui de saisir ce qui se passe. On ne peut pas demander à l'homme d'être immobile face à ce qui se passe sur la Terre. L'homme, donc, dans un triangle absolu de transparence, de savoir, il monte en vibration. Et quand il monte en vibration, il monte vers une immortalité possible de sa conscience. Soit que la sixième race racine doit produire éventuellement sur la Terre des hommes qui seront immortels et des individus qui auront la capacité d'élever cette terre à un esprit créateur de la forme. Présentement, l'homme n'est pas créateur de la forme. L'homme subit presque toutes les formes parce qu'il n'a pas dans sa conscience suffisamment de voyance. La conscience visionnaire qu'il doit développer à partir d'une conscience occulte n'a pas été encore faite. Mais elle viendra parce que l'homme, qui sait, est en mesure de dicter à sa conscience des principes de vie universels qui feront de lui un segment évolutif de la régence planétaire pour être dans une conscience parfaite un jour et avoir la vitesse de saisir qu'est-ce que veut dire un mystère. Le mystère du coronavirus, c'est ceci. C'est de permettre un équilibre froid dans le futur entre l'homme et la mort. Ainsi, plus on fait vibrer l'homme à la mort, plus l'homme est incapable de composer avec les mystères. Pour que l'homme se réinvente, il aura besoin d'une capacité de saisir que les chocs consécutifs de la Terre ont une nécessité vibratoire pour l'amener, lui, vers une dimension d'autorité face à l'occulte qui doit être plus grande que craindre la mort. Si vous comprenez bien la réalité de l'homme jupitérien, elle est la suivante, de dessiner dans l'homme une conscience visionnaire parfaite pour qu'il ne puisse plus trembler devant la vie. Et quand l'homme tremble devant la vie, il y a dans son mental la crainte de la mort. Donc, la nécessité pour les plans de la lumière, de faire évoluer l'homme vers des espaces-temps qui lui permettent de saisir que ce qui se passe dans une conscience ou dans une vie est nécessaire afin d'équilibrer le mental de l'homme vers l'absence de crainte. C'est pour cela que tous les événements à venir auront cette force de destruction, de détruire dans l'ego son orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'orgueil, c'est simplement de la vanité, de se penser supérieur aux autres. Non, de l'orgueil, c'est aussi ne pas être en mesure de comprendre et saisir à l'intérieur que le mensonge cosmique fait vibrer l'homme à de la crainte. Et si l'homme n'accepte pas ou ne dévoile pas ses craintes, c'est parce qu'il y a trop d'orgueil dans son mental. Il peut être naïf, cet égo. Incidemment, on ne dira pas de lui qu'il y a de l'orgueil, mais on dira de cette conscience qu'elle est possiblement trop spirituelle et peut-être trop ésotérique pour comprendre qu'est-ce que veut dire le mensonge cosmique. Soit que celui-ci a été créé pour faire assurer à l'homme une courbe évolutive lente vers l'accès à de l'infinité et à une vibration absolue. Si l'accès est trop rapide, il se passe ceci. L'homme n'est pas capable de composer avec les énergies qui descendent dans son mental et cela devient ensuite pour lui la folie. Donc, il faut être préparé dans une conscience à de l'énergie de lumière qui provient essentiellement de la manifestation d'entités beaucoup plus hautes que le double cosmique. Il y a des infinités dans les éthers, il y a des plans parallèles, il y a des sources d'évolution beaucoup plus grandes que l'homme peut avoir accès s'il ne vibre pas à de la crainte. Et pour saisir que la régence planétaire doit permettre un jour à l'homme de se revisiter en conscience sans craindre ce qui se passe au-dessus de lui fera en sorte que l'homme aura une conscience occulte parfaite. La conscience occulte ou l'architecture supramentale d'une conscience occulte repose ainsi sur la capacité de l'homme à aimer l'homme, sur la dimension éthérique de l'ego à ne pas craindre le néant, soit que l'ego ne craint pas ce qu'il sait. Il vibre simplement à sa lumière et peut se manifester dans son verbe à la structure mentale que rien ne se perd. Si rien ne se perd, cela veut dire que l'homme peut aller au bout de ses études, c'est-à-dire qu'il n'a pas à réfléchir à ce qu'il a dit avant, puisqu'il est toujours dans un processus vibratoire, d'élever sa conscience à des stades de vie qui ne se pense pas. Et c'est pour cela qu'une conscience occulte dans son architecture mentale n'a aucune réflexion possible, puisqu'il est interdit à l'homme de mener une étude à l'aide de prémisses qu'il croit être réelles. Il doit savoir ce qui est réel et savoir ce qui ne l'est pas. Le coronavirus et toutes les instructions pouvant venir du fait que celui-ci a été créé par l'homme ou simplement amené sur la Terre afin de faire opposer dans les consciences des nations la division des plans astraux qui les habiteront, cela n'est pas réel. Le coronavirus, comme toutes les autres divisions, peut être engendré par des sommités astrales qui veulent saisir et programmer la Terre à sa propre destruction, mais d'un autre parti, la lumière est aussi présente sur cette Terre pour donner en équivalence la vibration nécessaire à des mentales qui auront à s'instruire du fait que tout ce qui se passe sur la Terre a un lien unique et transcendant, soit d'amener l'homme vers de la lumière, malgré le fait que l'homme parfois peut faire un pas en arrière et fait toujours par la suite deux pas en avant. Et c'est ce qui élimine dans sa conscience la propension à l'astral de grandir et de lui faire croire qu'il n'est pas réel. Le mental, lorsque l'architecture du supramental se fait dans l'homme, il ne peut pas la forcer. Il doit simplement s'habiter l'homme en conscience. C'est-à-dire que s'il vibre à des réalités qui ne sont pas permises à son mental, cela bousculera son équilibre et il ne pourra pas trouver dans la matière d'équilibre. Donc, il faut savoir ce que l'on doit faire avec sa conscience. Si vous avez à lire davantage ou à écouter certains enregistrements pour préciser des réalités, ne sombrez pas dans la foutaise que c'est tout un enregistrement ou tout un livre que vous devez lire. C'est simplement une vibration qui compte. Et quand l'homme se rapproche de sa vibration, il est en mesure de disposer du temps réel de sa destinée. Soit que sa conscience visionnaire va toujours l'amener dans un temps rapproché à savoir ce qu'il doit faire pour équilibrer sa vie. Et une conscience qui est jupitérienne, quelle est la faculté vibratoire pour cette conscience sur la Terre? Elle n'est pas présente, cette conscience jupitérienne, parce qu'elle appartient à l'homme de la septième race racine qui aura transcendé totalement les mystères et qui sera immortel. Puissamment, ce que l'homme a accès aujourd'hui, c'est une architecture supramentale qui l'oriente vers une conscience occulte, soit de s'éduquer lui-même de l'orgueil qu'il y a dans sa tête et de s'interposer vibratoirement face au mensonge cosmique. Le mensonge cosmique fait partie de toutes les réalités que l'on interdit à l'homme pour le subordonner à des états moins grands en lumière. C'est pour cela que l'évolution à travers la souffrance fait en sorte que l'ego s'amène lui-même à ne plus souffrir parce qu'il sait que cette transposition du mensonge cosmique de la souffrance est une fin de non-recevoir pour lui, c'est-à-dire que ce n'est pas plus intelligent qu'il le faut. Mais présentement, la souffrance est très intelligente au niveau de l'évolution des masses et de l'épuration de la psyché humaine, de sa psychologie, qui est très limitée parce qu'elle est basée sur de la croyance et elle n'est pas suffisante en vibration pour percer les mystères. La religion a ainsi permis au Christ de descendre sur la terre, ou c'est-à-dire inversement, l'homme a créé une religion en lien avec ce qui devait se produire, soit que la religion devait supporter l'homme et la naissance de la religion catholique, par exemple, provient simplement de l'émergence de croire qu'il y a un élu qui a été descendu sur la terre pour amener sur celle-ci la paix divine. Mais cette paix divine, lorsque l'on perce le mensonge cosmique, on trouve essentiellement ceci. On trouve que l'homme est jumelé à un double cosmique qui a été créé par des forces de la lumière pour lui donner indirectement ou lui remettre un jour dans ses mains sa propre autorité divine, soit que l'homme est un immortel et qu'il doit aussi, lui, un jour monter en vibration pour asseoir à sa conscience la réalité prenante qu'il ne peut pas être divisible. Et quand l'homme n'est pas divisible, il se permet alors de transposer sa réalité et d'étudier tout ce qui se passe dans la matière. Lorsque vous regardez une réalité, la première chose à faire est la suivante, ce qui vibre en vous. La deuxième chose, qu'est-ce qui vous permet de l'étudier, cette réalité, d'une manière froide? Est-ce que c'est votre mental à percer le mystère ou est-ce que c'est simplement de la curiosité? Troisièmement, si vous avez la capacité de percer le mystère, vous allez alors être mis en vibration par votre double. Et votre double doit vous permettre l'étude, soit que le double ne peut pas s'interposer entre vous et ce que vous voulez savoir. Il est obligé de vous répondre si vous avez la force d'autorité de lui demander froidement ce qui se passe. Donc, l'architecture supramentale d'une conscience occulte est ce qui amène dans l'homme l'épuration de tout segment ésotérique ou spirituel en lui et qui élève aussi sa conscience psychologique au niveau de la capacité de savoir. Quand on sait, il se passe souvent ceci, c'est que l'homme n'a plus d'effort à faire pour savoir. Il n'a qu'à questionner simplement une réalité et de lui jumeler à sa conscience sa vibration. Donc, pourquoi est-ce que la Terre doit avoir un cycle évolutif présent qui mettra en échec les égaux les plus faibles? C'est très clair que le pouvoir des nations et le pouvoir est principalement, depuis la descente de l'homme sur la Terre, une capacité égocentrique de sa part de croire qu'il peut être grand lorsqu'il est petit, en fait, devant la vie. Pour être grand, il faut savoir la vie. C'est ce pouvoir de savoir la vie qui ensuite se transpose dans la conscience de l'homme à une inversion de sa psyché de la crainte. Présentement, les nations reposent sur la crainte parce qu'ils ont la capacité de s'armer et de se rivaliser entre elles afin de faire croire à l'homme qu'une nation, c'est plus grand que la liberté intégrale de l'homme. Une nation ne doit que servir l'homme dans l'expression de sa liberté. C'est-à-dire que si vous êtes en Chine et que vous ne pouvez pas avoir la liberté de dire ce que vous avez à dire, vous êtes mieux de changer de pays rapidement. Dans la proximité vibratoire de l'homme à dire ce qu'il a à dire, il y a ceci, c'est que l'homme peut ensuite étudier ce qu'il a amené, car il y aura toujours des consciences qui viendront visiter et qui se mettront dans le champ d'action de sa conscience pour amener le verbe plus loin. La vibration de l'homme avec celle de l'autre homme qui est intelligent est d'une même volonté, soit de transposer la matière et ce que l'on dit dans la matière dans une réalité qui se comprenne. Puisque cet enregistrement est davantage vibratoire qu'occulte, il est ceci. Il est permis à l'homme d'étudier et de parler librement sans avoir à se questionner si ce qu'il dit est intelligent ou pas. Parce que ce qu'il dit, l'homme, dans la capacité de faire vibrer le mental de l'homme, c'est ceci. C'est que vous êtes déjà dans votre conscience lumière si vous vibrez à la capacité de vibrer vous-même à ce que l'on dit. Si vous êtes capable d'écouter ce que l'on dit sans le réfléchir, cela veut déjà dire que vous êtes en mesure d'absorber une vibration beaucoup plus haute que celle simplement de réfléchir à ce que vous écoutez. Pour cela, la Terre aura à vivre son karma. Et le karma des nations regroupe dans une masse psychique mondiale le pouvoir d'être le meilleur, le pouvoir de faire avancer ceci ou cela. Et quand les nations sont mises en échec, parce qu'on voit très bien que les égaux qui sont à la tête des nations ont dans leur segment beaucoup d'orgueil, et cet orgueil ne peut pas être ébranlé de manière subtile, c'est-à-dire, on ne peut pas dire à l'homme « Ah, monsieur, vous êtes ceci ou cela ». Non, il faut que l'homme vive, de par sa souffrance, ce qu'il est. Et en vivant ce qu'il est, un jour, il n'a pas le choix de se dire non intelligent de ce qui se passe autour de lui et qu'il doit se mettre à écouter les autres et à s'instruire. C'est pour cela que la conscience supramentale fera de grandes avancées sur la Terre, mais elle ne pourra pas rejoindre toutes les consciences puisqu'il y a des taux vibratoires qui ne pourront pas l'accepter, cette conscience supramentale. Et dans une conscience occulte, il faut être en mesure de saisir qu'une liberté, ça ne se programme pas, ça s'arrache. Et pour arracher cette liberté, il y a la nécessité dans l'homme de ne jamais se contredire. S'il se contredit, l'homme en vient au fait qu'il n'est pas en mesure aussi d'exprimer la liberté que les plans veulent qu'il exprime sur la Terre. Parce que le lien cosmique entre l'homme et la matière, c'est sa lumière. Sa lumière, c'est sa direction. Sa direction, c'est sa conscience visionnaire que tous les événements qui arrivent sur une planète Terre ont pour but de déséquilibrer le mental humain et de lui faire croire que c'est la fin. Alors qu'il n'y a pas de fin dans un mental où la conscience est visionnaire, puisque celle-ci repose de la capacité vibratoire de l'homme d'être sans réflexion devant la vie. Et quand l'homme est sans réflexion devant la vie, il n'y a pas de capacité à faire réfléchir ce qu'il dit. Il lui est possible de penser que l'homme, dans le futur, n'aura pas cette vibration. Non. Dans une conscience absolue de l'homme qui marchera sur sa programmation pour lui dicter à celle-ci sa vitesse lumière, sera un être absolu dans les temps à venir. Mais la régence planétaire est aussi un pont entre l'homme qui permettra cette vibration absolue dans la matière afin que l'homme ne soit jamais confiné à des imbécilités qui font en sorte qu'il ne peut pas générer d'instructions permettant aux masses de s'élever. Les masses psychiques et la masse psychique mondiale, les masses, les groupes, les religions et tout ce qui fait en sorte que l'homme se regroupe dans du collectif pour vivre sa conscience, ce n'est pas réel. C'est de la supercherie, c'est de la manipulation. Et puisque l'homme individuel aura à connecter lui-même avec un mental froid, il lui sera interdit de se complaire. Puisque dans la certitude que l'homme est visionnaire, il y a donc l'appréciation de son mental qui grandit. Puisque l'homme sait que même lorsqu'il rêve, oui, il y a une superposition sur sa conscience de formes, mais ces formes, il peut aussi les gérer parfaitement et les faire éclater. Et c'est pour cela que l'homme ne vivra jamais dans le futur de réflexion, soit qu'il sera capable, dans le rêve, de tout simplement faire éclater les formes qu'on voudra lui faire vivre en lien avec l'impression que le même réel qu'il a dans son mental est nécessaire. L'homme n'a pas besoin de réfléchir. L'homme conscient d'une conscience occulte n'a aucun intérêt pour la réflexion, puisque cette réflexion ne lui permet pas d'être libre. C'est une lourdeur, c'est une densité abominable pour l'homme. Puisque la liberté de l'homme intégrale est celle-ci. Et je terminerai cet enregistrement de cette manière, en vous parlant de liberté intégrale. Soit que l'homme, quand il est libre, il n'accepte pas la mort. Il la comprend et il la gère parfaitement. Soit que quand il entre dans le tunnel de la mort, l'homme se dit tout simplement « je ne meurs pas parce que ma conscience ne meurt pas ». Et c'est cela une liberté intégrale. C'est aller au-delà de la forme. Et lorsqu'on regarde toute la supercherie de vouloir sauver un individu ou de vouloir l'aider, c'est une grande édification du mensonge cosmique qui a lieu parce que l'homme n'a jamais pu aider l'homme, l'homme n'a jamais pu sauver l'homme. L'homme peut simplement éclairer l'homme dans la liberté que lui-même doit arracher, parce que si l'homme ne peut pas arracher dans les années à venir sa propre liberté lui-même, ce n'est pas en écoutant une conférence ou en lisant un livre qu'il le fera. Cela fera simplement grandir l'orgueil dans lui qu'il sait, alors que finalement, il n'a aucune autorité, cet égo, pour agir sur la forme et la détruire et l'écraser. La conscience occulte est un segment que tout homme qui se sait ne peut pas la détruire, cette conscience, parce qu'il ne peut pas l'interdire. Il sait que l'homme doit vibrer à sa propre conscience, et sa propre conscience, une fois qu'elle a dépassé le stade psychologique de savoir qu'il y a un double au-dessus de sa tête, ce double doit se manifester d'une façon horizontale pour que l'homme intègre ce double et qu'il fasse éclater dans lui le mensonge. Le mensonge cosmique étant que l'homme ne peut pas être subordonné par aucune liberté autre que la sienne. Donc, le double doit s'intégrer à sa conscience et l'homme, par la suite, s'il n'a pas d'orgueil dans son mental, verra que l'âme aussi doit s'élever en vibration pour faire partie de ce triangle absolu qui est l'ego-esprit dans une âme qui a été élevée en vibration au niveau d'un savoir absolu. Et quand l'âme sait qu'elle ne peut pas être simplement de la mémoire, elle monte en vibration et c'est pour cela que l'âme est libre. Libre de tout. Libre même du fait qu'on ne peut pas l'instruire si lui ne demande pas à être instruit. C'est-à-dire que si vous avez une question à poser au plan de la lumière, ce n'est pas votre double qui va répondre, mais c'est bel et bien les plans de la lumière, parce que vous aurez la capacité d'éduquer les morts de la réalité du mensonge cosmique qui est transposé sur eux par la vibration de la crainte. Quand l'homme est au-delà de la crainte, il ne meurt jamais. Et voilà, ça, c'est l'absolue liberté pour l'homme. C'est son devenir parfait, c'est sa conscience parfaite, c'est l'individualité de son mental à ne pas être permis à penser que tout ce qui se passe sur la terre ne doit pas avoir lieu. Tout ce qui se passe sur la terre doit avoir lieu et c'est à lui de savoir où il se situe par rapport à ce qui se passe.